Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, à partir de celui-ci, a créé son épouse, puis qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée, et toute chose inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Wal Asr, inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, excepté ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé à travers cette sainte sourate que seul n'échappera à la perdition que celui qui aura cru et accompli de bonnes œuvres, verbales ou gestuelles, et qui aura commandé sa propre personne à faire le bien, ainsi qu'autrui, et dont le bien aura atteint autre que lui, que cela soit dans les affaires religieuses ou les affaires mondaines. Donc il est obligatoire aux muslimounes qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience, et tu ne trouveras pas meilleure exhortation à suivre la vérité et à l'endurance que celle de l'Ormen faite à son fils. Il a ainsi dit: Ya bunay, aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka in dhalika min 'azm al-umur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le convenable et condamne le blâmable, et patiente avec endurance sur ce qui t'arrive, car cela fait partie des résolutions à prendre dans toutes les affaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre que la mise à l'épreuve est un passage obligé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore subi d'épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? La misère et la maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam et ceux qu'ils avaient cru avec lui dirent: quand le secours d'Allah va-t-il venir? Le secours d'Allah est assurément proche. Donc la patience est le fait d'endurer lors de la mise à l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve, pour d'autres patienterez-vous donc, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et la vie de ce bas monde, ainsi que celle de l'au-delà, ne conviennent qu'avec cela. Et la patience est considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'une des plus majestueuses œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-malaikati wal-kitab wal-nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakin wabn as-sabil wal-sa'ilin wa fi al-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufuna bi عهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la piété consiste plutôt à ce que la personne croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et donne de son argent et de ses biens, quel que soit l'amour qu'il y porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent de l'aide et pour affranchir les esclaves, et aussi qui accomplit la prière et s'acquitte de la zakat, l'aumône obligatoire, remplit ses engagements lorsqu'elle s'est engagée, et patiente dans la difficulté et la pauvreté, et lorsque les combats font rage. Voilà les véridiques et les vrais pieux. Et la patience, elle le fait d'endurer face au décret d'Allah, c'est-à-dire au destin, ainsi qu'à ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastamir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et patiente avec endurance. Dans son adoration, lui connais-tu un semblable? Donc patiente dans son adoration, car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala demande de ta part de l'endurance, comme ont enduré les messagers et les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ar-rusa fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ô toi le revêtu d'un manteau, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et avertis les gens, et célèbre la grandeur de ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et écarte-toi des péchés, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et endure pour ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Et des messagers avant toi ont certainement été traités de menteurs, ô Muhammad. Ils patientèrent alors sur le fait qu'ils étaient démentis et sur le fait qu'ils étaient persécutés jusqu'à ce que nous les secourions. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est certes déjà parvenu quelques récits parmi ceux des envoyés. Il t'est déjà parvenu parmi les histoires des envoyés, informant qu'ils endurèrent avec patience et que cela fut l'une des plus grandes causes de leur victoire. Nous sommes ainsi dans le besoin de nous armer de patience dans notre vie religieuse et dans le reste de notre vie. Et il a été rapporté d'après l'imam muslim et d'autres d'après le récit d'Al-Harith Al-Ash'ari radiallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification du corps est une partie de la foi, et la parole Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, remplit la balance. Et les deux paroles Subhanallah walhamdulillah, gloire à Allah et toutes les louanges sont à Allah, remplit ce qu'il y a comme espace entre les cieux et la terre. Et la prière est une lumière, et l'aumône est une preuve, et la patience est une clarté, et le Coran est soit un argument en ta faveur, soit à ton encontre. Toute âme s'en va avant dans sa personne, soit elle l'avant Allah subhanahu wa ta'ala et elle l'a franchi, ou soit elle l'avant au diable, devenant ainsi esclave. Donc la patience est une lumière, ô toi le muslim, et il n'y a pas de doute que celui qui n'a pas de lumière se retrouvera forcément dans les ténèbres, les profondeurs, et finira par chuter. Et personne ne peut s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est à l'aide de patience. Ceux qui ont acquis l'argent et les biens des gens injustement par l'intermédiaire du riba, l'intérêt usuraire, ou par le biais de la voyance, le charlatanisme, de la sorcellerie, du vol, de l'agression, de la mendicité, ou par d'autres moyens, n'ont accompli tout ceci qu'à partir du moment où ils n'ont pu se parer de patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à son obéissance et à sa désobéissance. Et il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, d'après le récit d'Abu Saïd al-Khudri radiallahu que des gens parmi les Ansar, les Médinois qui accueillirent les émigrés provenant de la Mecque, demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam certaines choses, et que ce dernier leur donna. Ils lui redemandèrent une seconde fois, puis il leur redonna. Ils lui redemandèrent de nouveau, puis il leur redonna, jusqu'à ce qu'il ne lui resta plus rien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: il n'y a rien qui soit dans ma possession que je vous cacherai sans vous en faire profiter. Néanmoins, celui qui fera preuve d'abstinence auprès des gens, Allah le suffira, et celui qui se passera des gens, Allah l'enrichira, et celui qui fera preuve de patience, Allah l'aidera à patienter. Et il n'existe pas de don meilleur et plus suffisant que la patience. La patience est le meilleur des bienfaits, et parmi ceux qui prouvent cela, et qui prouvent aussi que la patience est une richesse, il y a ce qu'a rapporté l'imam muslim dans ce recueil de récits authentiques, d'après le récit de Suhaib radiallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'affaire du croyant est étonnante. En effet, son affaire tout entière est un bien pour lui, et cela n'est vrai que pour le croyant. S'il venait à lui arriver un bonheur dans sa vie, il remercie son Seigneur, et cela est un bien pour lui. Et s'il venait à lui arriver un malheur, il patiente face au décret de son Seigneur, et cela est un bien pour lui. Et le fait qu'il remercie son Seigneur face au bonheur qui lui arrive est considéré comme une preuve de patience, car peu de gens réagissent de la sorte, à savoir remercier son Seigneur lorsqu'un bonheur les atteint. La patience est considérée comme étant une vaillance et une force. Il a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fort n'est pas celui qui s'énerve rapidement, mais celui qui est véritablement fort est celui qui sait retenir sa colère. Et la patience est une fermeté et une détermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille, lorsqu'elle perdit son fils, après que celle-ci envoya quelqu'un le chercher, certes l'âme qu'Allah reprend par la mort lui appartient, de même que celle qu'il donne, et tout auprès de lui à un terme fixé, patiente donc et endure en espérant qu'Allah te récompense pour cela. Et le grand imam dans la religion ne s'attend qu'avec patience. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait de certains d'eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils endurèrent et croyaient fermement à nos signes. Et le savant Shir al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a dit: c'est par la patience et la certitude que s'attend le grand imam dans la religion, c'est-à-dire avec la patience face à l'obéissance d'Allah. Donc voilà le véritable chemin qui mène au bien, et c'est par la patience et la certitude que certains le rendent imam. Et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre l'histoire des sorciers de Pharaon concernant le bienfait relatif à la patience dont il les avait dotés, que ces derniers avaient eu une foi très forte. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أسلبنكم في جذع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Pharaon dit: avez-vous cru en lui, c'est-à-dire Moussa, avant que je ne vous y autorise? Ce doit être certainement lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vais sûrement vous couper vos mains et vos jambes opposées et vais vous crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez alors avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et plus durable. Les sorciers dirent alors: nous ne te préférerons plus jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente par celui qui nous a créé. Applique donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne concernent que cette vie d'ici-bas. Certes, nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos erreurs, ainsi que la magie et la sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Et dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, thumma la usallibannakum ajma'in, qalu inna ila rabbina munqalibun. Pharaon dit: je vais sûrement vous couper vos mains et vos jambes opposées et va vous crucifier tous. Les sorciers dirent alors: en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. C'est-à-dire, comme nous retournerons à Allah Azza wa Jalla dans cet état, alors cela ne nous nuira en réalité aucunement. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Les sorciers dirent: cela ne nous causera aucun mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons et désirons de la part de notre Seigneur qu'il nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et il a aussi dit عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui patientent, et il nous a informé qu'il les aimait. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. Et combien de prophètes ont combattu, et avec eux beaucoup de leurs compagnons, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les avait atteints dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: Ya ayyuhalladhina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh vous qui croyez, soyez endurants, incitez-vous mutuellement l'endurance, soyez assidus dans l'adoration et craignez Allah afin que vous réussissiez. Certes Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ceux qui endurent avec patience, et il leur a réservé une récompense sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et il sera donné aux endurants leur récompense sans compter. Et il n'y a pas de doute qu'Allah azza wa jalla donne en récompense d'une seule bonne action l'équivalent de 10 du même genre. Et Allah tabaraka wa ta'ala gratifie les endurants sans compter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئات أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Et quant à ceux qui endurent avec patience, désirant la face de leur Seigneur, et qui accomplissent la prière et dépensent dans les sentiers d'Allah, en secret et publiquement, de ce que nous leur avons attribué, et qui repoussent la mauvaise action en la faisant suivre par une bonne action, alors à cela, la bonne demeure finale des jardins éternels dans lesquels ils entreront, et avec eux, tous ceux qui avaient fait preuve de piété parmi leurs parents, leurs conjoints et leurs descendants, et les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes. Et cette demeure est celle de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. La patience est le plus souvent le fruit de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il passe auprès d'une femme qui pleurait auprès d'une tombe, crains Allah et patiente. Elle lui dit alors, laisse-moi, car tu n'es certainement pas éprouvé comme je le suis, alors qu'elle ne l'avait pas reconnu. On lui dit ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla, il s'agit là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle partit alors le voir et se présenta à sa porte, devant laquelle il n'y avait pas de portier. Elle lui dit ainsi, je ne t'avais pas reconnu. Il lui dit alors, certes la patience est au premier choc. Et notre preuve dans ce récit, ô serviteur d'Allah, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exhorta à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à endurer avec patience lors de cette épreuve. Certes la patience est un sujet très important qui est en relation avec de nombreux bienfaits dans ce bas monde ainsi que dans la vie ultime, et elle est aussi une large porte parmi les portes du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a incité à la patience dans son livre ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a incité à l'endurance à travers sa sunna, la tradition prophétique, sachant tout le bien qui en découle dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, quand bien même cela concernerait l'enseignement d'un père à sa propre famille, car s'il ne patiente pas avec eux dans leur éducation, il tomberait alors dans le péché s'il ne répondait pas aux obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandées envers sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lit-taqwa. Et commande à ta famille la prière et accomplis-la avec persévérance. Nous ne te demandons aucune nourriture, c'est nous qui pourvoyons vos besoins, et la fin est réservée à ceux qui pratiquent la piété. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. أما بعد، toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ceci étant dit, regardez et écoutez attentivement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Vous serez certainement éprouvés par vos biens et vos personnes, et vous entendrez assurément de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous endurez avec patience et craignez votre Seigneur, alors sachez que la patience fait partie des résolutions à prendre dans toutes les affaires. Et méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, qui expose que celui qui patiente, même face à ses ennemis, il ne lui sera fait aucun tort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: In tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu lan yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit. Si un bien vous touche, il s'en afflige, c'est-à-dire les mécréants, et si un mal vous atteint, ils s'en réjouissent alors. Mais si vous endurez avec patience et que vous fassiez preuve de piété, leur manigance ne vous causera aucun tort. corps. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et Allah Azza wa Jalla a dit: wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Mais si vous endurez avec patience et craignez votre Seigneur, sachez alors que la patience fait partie des résolutions à prendre dans toutes les affaires. Et Allah Azza wa Jalla a évoqué dans les sourates Ash-Shura et Al-Ahzab ce avec quoi la majorité des savants se sont argumentés afin de prouver que Ahlul Azm, les gens les plus fermes et les plus résolus parmi les hommes, sont les meilleurs des prophètes, ceux qui ont été décrits avec ces caractéristiques. Et il en est de même pour tous les véritables croyants. La patience est ce qui fait naître chez l'ennemi l'amitié. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa la tastawi al-hasanatu was-sayyi'at idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin 'azim. Et la bonne action n'est pas pareille à la mauvaise. Repousse donc le mal de la meilleure des façons, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent avec patience, et cela ne provient que de celui qui possède une grâce infinie. Et il a dit avant cela: wa la tastawi al-hasanatu was-sayyi'at idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Et la bonne action n'est pas pareille à la mauvaise. Repousse donc le mal de la meilleure des façons, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ainsi, ce qu'il y avait comme animosité entre toi et lui se transforma en amitié. Donc quelle belle affaire que celle qui se résolve par la patience. Par Allah, la patience est une da'wah, un appel aux serviteurs d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il appela sa communauté à l'islam, endura avec patience. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: je me souviens parfaitement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté un jour l'histoire d'un prophète parmi les prophètes que son peuple frappa jusqu'à l'ensanglanter, tandis que lui essuyait son sang sur son visage en disant: ô Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Et aussi dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radhiyallahu anha: j'ai certes subi de la part de ton peuple ce qu'ils m'ont fait subir, et la plus dure des choses qu'ils m'ont fait subir se passa le jour de la Aqaba. Ce jour-là, je me présentais à Abdouyal ibn Kilab, mais celui-ci ne répondit pas à mon appel. Je repartis alors la tête remplie de soucis, et je ne repris mes esprits qu'une fois arrivé à Qarn al-Tha'alib, non loin de la Mecque. Je levai soudainement ma tête. C'est alors qu'un nuage était au-dessus de moi et m'avait assombri. Je le regardais. C'est alors que je vis l'ange Jibril alayhi salam. Il m'interpella et me dit: Allah a certes entendu ce que ton peuple t'a dit, ainsi que ce qu'ils t'ont répliqué, et il a certes envoyé l'ange des montagnes à toi afin qu'il exécute ce que tu lui commanderas de leur faire subir. L'ange des montagnes m'interpella alors, puis je le saluai. Il me dit ensuite: ô Mohammed, commande-moi ce que tu veux, et si tu le souhaites, je plierai ces deux montagnes sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'espère plutôt qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront seuls, sans rien lui associer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam patienta aussi quand il alla visiter Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu à Dodan, et qu'il passa devant une assise dans laquelle se trouvait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ainsi, lorsqu'il passa auprès d'eux avec son âne, de la poussière souleva du sol à cause de leur passage et les recouvrit. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul mit son foulard sur son nez et dit alors: ne nous recouvre pas de poussière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les salua alors, puis s'arrêta. Il descendit ensuite de sa et les appela à l'islam et leur lit du Coran. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul dit alors: ô toi l'homme, s'il s'agit là de la vérité, alors il n'y a pas meilleur que ce que tu racontes. Mais quoi qu'il en soit, ne nous dérange pas dans notre assise, et retourne plutôt à ta monture et raconte tes histoires qui viendra à toi. Abdullah ibn Rawah dit alors: ô que non, messager d'Allah, reste parmi nous et continue, car nous aimons écouter ce que tu dis. L'attention monte ainsi entre les musulmans et les sacerdotes, ainsi que les juifs, au point où qu'ils faillissent se battre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa alors d'essayer de baisser l'attention jusqu'à ce qu'ils finirent par se calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remonta par la suite sur sa monture et reprit son chemin jusqu'à ce qu'il se rendit auprès de Sa'd ibn Ubadah. Puis il lui dit, oh Saad, n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Abu Hubab, c'est-à-dire Abdullah ibn Ubay? Il a dit ceci et cela. Saad ibn Ubad, radiallahu anhu, lui dit alors, oh messager d'Allah, pardonne et renonce à la vengeance. Allah subhanahu wa ta'ala fit ainsi descendre sa parole, fa'fu wasfahu, hatta yati Allahu bi amrih, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Pardonnez et renoncez à la vengeance jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Cela, en confirmation de la parole de Saad radiallahu anhu, concernant le fait d'endurer avec patience. Donc, quelle magnifique exhortation que celle qui appelle à la vérité et à la patience. Et il n'existe pas de bien qui ne convienne aux musulmans dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. De même qu'il n'y a de bien qui ne les atteigne si ce n'est par le biais de la patience face à ces trois choses. L'obéissance d'Allah, la désobéissance d'Allah et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le destin. Nas'alullah as-sadada lima yuhibbu wa yirdah.